temps de notre série sur citoyenneté et pouvoir. Aujourd'hui, l'émission d'archives sur citoyenneté et pouvoir en Grèce antique. Hier, avec Yves Saint-Omer, nous nous sommes interrogés sur la représentation et sur la participation directe au pouvoir des citoyens. Demain, nous nous demanderons qui était exclu de la citoyenneté entre la fin du XVIIIe siècle et le XXe siècle. Et ce matin, eh bien, nous allons évoquer des questions à la fois de citoyenneté et d'exclusion de la citoyenneté dans le contexte de la Grèce antique avec Séverine Yatard, qui co-animera cette émission avec moi. Nous le ferons grâce à des textes qui seront lus par Nathalie Canoui et qui seront commentés par Violaine Sébillotte-Cuchet, professeure d'histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est auteure d'une exposition en ligne sur le site Muséa Sortir du Gynécée et également auteure d'un livre qui s'intitule Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine. C'est chez Armand Collin. Vincent Azoulay sera également avec nous. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de la rédaction des Annales et auteur, entre autres, d'une documentation photographique qui s'intitule Athènes, citoyenneté et démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour. Bonjour à vous Vincent Azoulay. Bonjour. Et bonjour à vous Violaine Sébillotte-Cuchet. Bonjour. On est très heureux de vous avoir parce que ça nous sert de révision à nous-mêmes qui croyons savoir des choses qui datent maintenant d'un certain temps sur la Grèce antique. Et on a l'impression, en vous ayant lu l'un et l'autre, que beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de concepts ont bougé depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années autour de cette question de la citoyenneté. Qu'est-ce qui a bougé exactement ? Beaucoup de choses, effectivement. Sur ce qui me préoccupe le plus, moi je dirais que ce qui a bougé, c'est la manière dont on considère le caractère mixte de la société, de la cité antique. Quelque chose qu'on ne considérait pas tant que ça dans les années 80, puisqu'on avait des définitions que vous connaissez, je pense, tous. C'est justement de ces définitions dont on parle. La cité exclue, les femmes, les étrangers, les esclaves. Donc toute l'école française de concept sur la Grèce antique, issue des travaux de Jean-Pierre Vernant, des travaux d'autres chercheurs comme Pierre Vidal-Naquet, etc., qui nous avait dit, voilà, il y a une cité, et puis il y a ceux qui sont exclus de la cité, les métèques, les femmes, les esclaves. Voilà, après, donc ça c'était effectivement les années 80, pour pas mal de raisons. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais là, je vais peut-être tout de suite aller au saut historiographique. Je pense que les études de genre ont apporté énormément parce que, évidemment, aujourd'hui, plus personne ne peut dire les femmes sont séparées et puis il y a les métèques, les esclaves, comme s'il n'y avait que des hommes métèques et des hommes esclaves. Donc déjà, les femmes sont partout, parmi les métèques, parmi les esclaves, mais aussi parmi les citoyens. Et du coup, ça nous oblige à reprendre à nouveau frais la question de la distribution, en fait, des fonctions entre les hommes et les femmes, puisqu'elles sont, ils sont tous répartis dans différentes catégories. Vincent Azoulay. Oui, non, c'est effectivement l'un des changements majeurs auxquels on a assisté par rapport à une situation qui était fondée sur, disons, le paradigme de l'inversion, avec d'un côté un groupe de citoyens, le club des citoyens mâles dont parlait Pierre Vidal-Naquet, et puis tous les exclus de la citoyenneté avec une vision assez binaire. Et c'est vrai que tous les travaux de ces 20 ou 30 dernières années ont consisté à faire trembler cette opposition et à montrer que les choses étaient plus complexes et peut-être aussi plus intéressantes. Parce que l'idée, c'est bien de savoir qu'est-ce que signifie être citoyen, qu'est-ce que signifie participer à la vie de la cité et pas seulement la vie politique. Parce que la restriction venait aussi de là, c'est-à-dire la vie politique, c'est-à-dire participer à l'Assemblée et participer aux juridictions, aux tribunaux. Si on considère désormais que participer au pouvoir dans la cité concerne aussi bien les cérémonies liturgiques, les processions par exemple, la guerre, etc., évidemment qu'on élargit la possibilité d'entrer à d'autres figures de la cité. Oui, sans isoler. Tout à fait. Ce qui est, en fait, il faut repartir de de la prééminence du témoignage d'Aristote et de la politique d'Aristote qui a eu un effet d'organisation parfois tout à fait conscient, parfois inconscient sur les concepts et sur le concept de citoyenneté tel qu'il a été utilisé pendant plus d'un siècle et demi avec cette idée que la citoyenneté dans ce qu'elle a de plus fondamental se caractériserait par la participation à la crisis et à l'archès, c'est-à-dire au fait de juger et d'avoir un certain pouvoir et notamment détenir des magistratures, ce qui de fait restreignait la citoyenneté à seulement les mâles faisant partie du cercle civique. Et est-ce que du coup également, il y a eu des recherches archéologiques qui ont aussi permis cette ouverture? Et d'autre part, le fait que l'histoire aussi travaille de plus en plus sur les questions des représentations, hein, et vous citez souvent des exemples qui témoignent par exemple de la présence des femmes lors des processions, de leur rôle, ou des esclaves, parce que sur certaines frises architecturales, on perçoit ces figures-là. Participant à la vie de la cité, Violaine Sébillotte. Avant de parler peut-être de la participation, parce que c'est très très large, on peut continuer encore un petit peu sur la question de la définition, parce que d'une part je pense que l'élargissement de la documentation archéologique, vous l'avez mentionné, ça a été fondamental. C'est-à-dire l'utilisation de sources épigraphiques, d'inscriptions, et donc de sortir d'Athènes, puisque Athènes a produit essentiellement pour nous des documents littéraires, enfin on appelle littéraires, hein, mais transmis par la tradition manuscrite, et donc issus d'une pratique qui est une pratique de tribunaux, l'archè donc crisis, hein, vraiment le jugement, et l'archè bouleutikè des assemblées. Et dans ce type de document, évidemment, il n'y a pas de femmes. C'est comme si on faisait des enquêtes à partir des notes du Sénat ou de l'Assemblée dans les années 70 en France. Alors, donc, si on n'a que ça comme documentation, on ne voit pas les femmes. Donc, le fait d'aller voir des inscriptions, donc un autre type de documentation, d'une pratique qui envisage d'autres aspects de la pratique politique, à ce moment-là, on voit arriver d'autres acteurs, dont les femmes. Et par ailleurs, il y a aussi un verrou qui saute, qui est le verrou, une sorte d'anachronisme. Alors, tant que, pourtant, la question de l'anachronisme, la manière de travailler l'anachronisme et la distance était vraiment fondamentale dans toutes les études des de nos prédécesseurs, 60, des années 60, 70, voilà, 80. Sur la question de la citoyenneté et de la politique, c'est resté vraiment quelque chose qui... La question de la définition d'Aristote, la citoyenneté définie par Aristote, en tout cas cette partie-là de la définition d'Aristote, est restée pour nous comme l'essentiel de la citoyenneté de tout temps. Comme s'il avait fondé avec cette définition une caractérisation abstraite de ce que c'est que la citoyenneté, qui restait pour nous le droit de suffrage et l'éligibilité. Voilà. C'est-à-dire qu'elle consonnait avec la conquête du suffrage universel et donc avec ce que Victor Hugo dans ses discours appelle comme ce qui est secrété, enfin le droit de vote comme ce qui est secrété de la chair même du citoyen, et donc une sorte de présupposé qu'on pourrait qualifier de votocentrique qui concentre l'essentiel de la citoyenneté dans ce moment tout à fait particulier du vote. Oui, Aristote en même temps, donc, il décrit la citoyenneté comme cette faculté de pouvoir prendre part aux tribunaux et aux assemblées délibératives. Et dans la même phrase, je veux dire, dans la suite, il indique, mais dans l'usage, en réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Les cités considèrent comme citoyens ceux qui sont issus d'un père et d'une mère citoyens, de deux citoyens, le père et la mère. Et donc d'emblée, il introduit l'idée que pour les Grecs, autour de lui, dans la pratique, les hommes et les femmes sont citoyens, il y a des familles citoyennes. Alors, plongeons-nous dans un texte qui nous rappelle effectivement ces questions de délibération. C'est un chahut à l'Assemblée. Démosthène tente de contrer Échine à cette même Assemblée, lue par Nathalie Canoui. Échine eut un grand succès, passa pour un orateur excellent et un homme extraordinaire, et il descendit de la tribune avec beaucoup de solennité. Moi, je me levai pour dire que je ne savais rien de cela. En même temps, j'essayai d'exposer certaines des choses que j'avais rapportées au conseil. Mais m'encadrant l'un à droite, l'autre à gauche, Échine et Philocrate criaient, me bousculaient, finalement se moquaient de moi. Vous vous en riez, vous refusiez de m'écouter et ne voulait rien croire d'autre que ce qu'avait rapporté Échine. « Alors comment commente-t-on ce texte de Démosthène tiré de Sur l'ambassade en 346 avant Jésus-Christ ? Eh bien, en repartant de ce que vient de dire Violaine, c'est-à-dire qu'on est là face à un type de source qui concentre, qui focalise l'attention sur le fonctionnement des institutions. Et donc, sur le parallélisme avec nos propres institutions républicaines. Tout à fait. Et alors, ce qu'on peut en dire, parce que ça n'en reste pas moins très important, ces institutions dans lesquelles seuls les hommes ont droit de parole, ce que l'on voit ici, bien c'est une citoyenneté en action, citoyenneté mais là réduite seulement effectivement aux hommes. Et donc ça nous amène là dans un autre versant, un versant qui se concentre sur effectivement la partie, j'ai envie de dire, aristotélicienne de la citoyenneté, en tout cas de ce que on en a longtemps retenu d'Aristote. Donc c'est cette participation à l'assemblée. Et ce qui est intéressant dans ce texte, donc c'est que l'on voit que le peuple n'est pas passif, parce que une autre des choses qu'on a longtemps pu écrire, c'est de séparer d'un côté les orateurs parlant à la tribune, et on a bien sûr nous nos propres images d'orateurs à l'Assemblée parlant devant les autres représentants, et puis le peuple écoutant sagement assis ce que dit l'orateur. Oui, on aurait pu avoir dans le rôle de Démosthène Jean Gabin par exemple dans le président qui est le grand film sur la démocratie parlementaire à la française. Effectivement, on voit bien effectivement que c'est ce type de personnage que l'on imagine derrière un texte comme celui-ci, parce qu'on est soi-même complètement pris par notre propre fonctionnement républicain et démocratique. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand même on voit que ces citoyens qui assistent à l'Assemblée, qui ne prennent pas nécessairement la parole, donc ils ne montent pas à la tribune comme le font Démosthène ou Échine, ne sont pas pour autant passifs, mais au contraire peuvent, par leur chahut, ce que les Grecs appellent le torubos, contraindre les orateurs à se taire. Et que donc, de ce point de vue-là, un orateur ne peut pas s'adresser à ses citoyens mâles à l'Assemblée sans que ce qu'ils disent puisse rencontrer un certain assentiment. Sans tenir compte des attentes du peuple qui se trouve sur la Pnyx. Donc vraiment un moyen de contrôle des élites à chaque fois. Mais vous dites, Vincent Azoulay, que ça s'est fait progressivement, cette manière justement pour les orateurs de s'exprimer à l'Assemblée, de théâtraliser aussi leur discours. Et face à eux, le public lui aussi devient beaucoup plus théâtral et prend peut-être une liberté de parole qu'il n'avait pas auparavant. D'autant que vous expliquez aussi que cette Assemblée, elle s'est élargie. Mais architecturalement parlant concrètement, il y a plus de citoyens qui peuvent accéder. C'est vrai, parce que Athènes a effectivement un lieu d'assemblée, donc la Pnyx, ce qui est tout à fait rare dans les cités grecques. La plupart du temps, on se rassemble dans des lieux qui sont faits pour d'autres choses, alors que là, les Athéniens ont tenu à créer un lieu pour le rassemblement des citoyens. Et c'est vrai qu'à la fin du 5e siècle, ce lieu est agrandi, et en gros, on passe d'une capacité de 6000 à 8000 citoyens. Mais il faut quand même faire remarquer quelque chose, et qui pour le coup également fait écho avec notre présent. C'est que en 431, donc c'est-à-dire le moment où l'on place très certainement l'apogée de la démocratie athénienne, c'est Périclès s'adressant aux Athéniens lors de l'oraison funèbre, il y a entre 50 000 et 60 000 citoyens. La Pnyx, qui est censée recevoir tous ces citoyens mâles, fait 6 000 places au plus. Donc on parle d'une assistance au maximum de 10% des citoyens de façon régulière à l'Assemblée. Ce qui vient tout de suite un peu tempérer l'image verte de citoyens athéniens perpétuellement investis dans la chose publique, et qui, bien sûr, aussi pose la question de tous ceux qui ne sont pas à l'Assemblée mais qui participent à la cité d'une autre manière. Violaine Sébillotte-Cuchet. Je pense que on met le doigt aussi ici sur le fait que il faut distinguer, il me semble, entre les fonctions des citoyens et des citoyennes et leur statut. C'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé du fait qu'il fallait être enfant de citoyens et citoyennes après Périclès. Après il y a des nuances suivant la chronologie, suivant les cités, pour être citoyen, c'est-à-dire qu'il y a bien un statut qui s'acquiert par la naissance ou qui peut s'obtenir par décret. Donc, et ça peut concerner des hommes et des femmes, y compris par décret, à partir de l'époque en tout cas hellénistique et surtout romaine. Mmh. Et par ailleurs, il y a des fonctions. Et les fonctions, elles sont distribuées selon les capacités, la liberté de temps des uns ou des autres, selon l'âge et selon le sexe. Et donc, il y a des tas de critères qui distribuent ensuite les fonctions civiques, dont la participation à l'Assemblée, aux tribunaux, mais qui est une fonction parmi d'autres. Et qui plus est, vous dites, Vincent Louzet, je trouvais ça intéressant, on ne naît pas citoyen, on le devient. Il y a aussi toute cette initiation, alors rituel pour la fille et pour le jeune garçon, pour devenir citoyen. Enfin, alors, ça elle, se dit, la symétrisation n'est pas totale. Mais disons qu'on a, et ça, je vais laisser la parole à Violaine, mais on a montré que, malgré tout, très souvent, quand on parle de l'éducation du citoyen, on ne doit parler que du mâle, que du petit garçon, et de la façon dont il franchit les étapes pour aller jusqu'à la citoyenneté, l'inscription dans le DEM, en passant par l'acceptation au sein de la fratrie. Ce qu'on peut voir, c'est que la question se pose, certes, différemment, mais qu'elle se pose aussi du côté des filles. Et je laisse la parole. Qui elles n'ont pas toute la plénitude, on comprend, de ses droits et devoirs des citoyens. Oui. Du citoyen. On n'en est pas citoyen, on le devient. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand même, je veux dire, j'ai un peu tiqué parce que malgré tout, on est libre ou on est esclave, on est citoyen ou on n'est pas citoyen. Mais effectivement, pour devenir citoyen, il y a la première chose, c'est l'acte de reconnaissance. Donc il faut bien qu'à un moment donné, donc on le devient bien déjà parce qu'il y a un parent, le père, mais souvent en accord avec la mère, etc., qui lui dit « oui, c'est bien ton fils, hein, c'est pas le fils de quelqu'un d'autre », et ça, il faut qu'il le croie, et qu'il soit bien, qu'il lui fasse confiance. Donc, il y a bien un moment, d'abord, on le devient par un acte de proclamation, et après, effectivement, par une éducation non différenciée, puis différenciée, et donc des parcours divergents, mais là aussi, je crois qu'il ne faut pas trop insister. Bien sûr, il y a une différence de sexe qui est fondamentale, à partir de la puberté, c'est évident, mais après, il y a aussi tout des tas d'autres différences qui rentrent en ligne de compte, la richesse de la famille, par exemple, la capacité à s'engager dans un mariage qui va être reconnu de manière très légitime, ou non, et ça peut affecter aussi bien des garçons que des filles. Donc, il y a des inégalités ensuite qui vont intervenir, qui seront d'un autre registre, d'un autre niveau que simplement le sexe. Alors, devenir citoyen ou perdre sa citoyenneté, un texte tiré de Plutarque, Les Vies Parallèles, à propos de l'ostracisme, lu par Nathalie Canoui. L'ostracisme n'était pas destiné à châtier un crime. On disait de manière spécieuse qu'il s'agissait de diminuer et de rabattre un orgueil et une autorité dont le poids était trop lourd. En fait, c'était une consolation qu'on accordait à l'envie, une mesure assez humaine qui ne conduisait à rien d'irréparable, seulement à un exil de 10 ans. Le déroulement des opérations, pour en donner une idée sommaire, était le suivant. Chaque citoyen recevait un tesson, ostracon, sur lequel il inscrivait le nom de celui qu'il voulait envoyer en exil, puis le déposait à un endroit de l'agora entouré d'une palissade circulaire. Les archontes commençaient par compter tous les tessons déposés. Si moins de 6000 citoyens en avaient apporté, l'ostracisme n'aboutissait pas. Ensuite, ils regroupaient les tessons en fonction des noms qu'ils portaient, et le citoyen qui était nommé par le plus grand nombre était proclamé banni pour 10 ans, tout en conservant la jouissance de ses biens. Ce jour-là, dit-on, tandis que les gens inscrivaient les noms sur les tessons, un homme illettré, un rustre complet, tendit son tesson à Aristide qu'il prenait pour n'importe quel passant et lui demanda d'inscrire dessus le nom d'Aristide. Celui-ci, étonné, lui demanda si Aristide lui avait fait du tort. « Aucun, répliqua l'homme, je ne le connais même pas, mais j'en ai assez de l'entendre partout appeler juste. » À ces mots, Aristide ne répondit rien. Il inscrivit le nom sur le tesson et le lui rendit. En quittant la cité, il tendit les mains au ciel et prononça une prière qui fut, semble-t-il, tout le contraire de celle d'Achille. Puissent les Athéniens ne jamais se trouver dans une situation qui oblige le peuple à se souvenir d'Aristide. Alors j'étais un peu rapide en disant qu'il perdait sa citoyenneté. Il ne la perd pas, sa citoyenneté, par l'ostracisme. Néanmoins, c'est une, disons, une tache sur cette même citoyenneté, Vincent Azoulay, que cet ostracisme de 10 ans. Oui, alors c'est vrai, il y a, ce passage est extrêmement riche. On peut l'utiliser pour toute une série de choses, le degré d'alphabétisme des citoyens athéniens. Moi, là, il m'intéresse à plusieurs titres, mais notamment, il a à voir avec cette question de participation qui nous occupe, et là, pour le coup, des citoyens mâles qui étaient impliqués dans cette procédure d'ostracisme, parce que cette histoire de rustre qui vient écrire le nom d'Aristide sans le connaître, cela signifie bien que la plupart du temps, il n'allait pas à l'assemblée, il ne se rendait pas, c'est un rustre, un agroïkos, il vient de la campagne, qu'il ne se rend pas à l'assemblée, donc il ne participe que rarement à ces institutions. Et donc on voit que la participation aux institutions et notamment à l'Assemblée dont on fait l'alpha et l'oméga de la citoyenneté athénienne, eh bien, elle est au mieux intermittente pour la majorité des citoyens. En revanche, ce qu'on voit, et c'est là où le texte est très intéressant, c'est que la démocratie se caractérise par le contrôle des élites. Mmh. Alors, peut-être injuste, peut-être déréglé, c'est ce que fait valoir Plutarque, qui est l'auteur de ce texte, mais de façon très décalée, et qui a une vision oligarchique antidémocratique. Oui, qui n'est pas tout à fait favorable à la démocratie. Tout à fait défavorable à celle-ci. Mais il y a malgré tout un noyau qui est intéressant et qui montre que si l'on doit trouver un critère définitoire à la démocratie athénienne telle qu'elle se construit à partir du début du 5e siècle, c'est peut-être moins la participation aux institutions en tant que telle, donc dont on a fait le critère absolu de la citoyenneté, que le contrôle des élites, alors qui passe ici par quelque chose de formel, mais qui peut aussi passer par toute une série de procédures informelles, les rumeurs, les discussions entre amis, dans les boutiques, et où là, les femmes peuvent avoir leur place également. Donc ça déplace également la réflexion sur la citoyenneté et la centralité notamment de l'Assemblée dans la définition de celle-ci. Espace de parole qu'on retrouve d'ailleurs à travers justement les ostracones qu'on a pu recueillir dans les fouilles archéologiques, où on voit bien comment aussi, entre guillemets, le citoyen, ce peuple, dit ce qu'il pense de manière assez directe de ces fameux orateurs ou de cette élite. Parfois, il y a va-t'en, vous citez un autre ostracon qui dit, qui traite d'enculé, hein, Thémistocle. Thémistocle. Donc, qui fait référence à la vie privée, et qui évidemment est très grave, hein, comme accusation. C'est-à-dire, l'ostracisme, ça consiste, alors, c'est en réalité en deux étapes. Il y a d'abord un vote pour décider, s'il va y avoir une procédure d'ostracisme cette année-là. Et puis, deux mois après, hein, donc c'est pas un emballement sur le moment, hein, deux mois après, on décide d'organiser cette procédure. Cette consultation. Voilà, cette consultation avec effectivement des ostracas, des tessons de poterie où l'on inscrit le nom de la personne en général avec le nom de son père, parfois le dème d'où il vient. Et on a un certain nombre de ces ostracas où l'on a une sorte de motivation. Parce qu'il n'y a pas besoin de motiver l'exclusion d'un citoyen, c'est n'importe qui, on n'a pas besoin de le dire. Mais il y en a certains qui se trouvent motivés, et effectivement, on voit intervenir des motifs qui peuvent paraître surprenants, effectivement, le comportement sexuel, mais enfin qui sont en fait des marques de dérèglement et d'écart par rapport à un certain nombre de normes acceptées par le peuple athénien. Alors, notamment des normes sexuelles. On vient de parler un certain temps justement de ce que l'on croyait être cette citoyenneté politique en suivant simplement Aristote, et on a d'autres textes qui nous permettent justement de nuancer, comme vous l'avez fait depuis le début de cette émission, Violaine Sébillotte-Cuchet et vous-même Vincent Azoulay, de nuancer cette question de la citoyenneté dans la cité, les cités grecques antiques, et par exemple ce texte de Pausanias tiré du livre 1, l'Attique et Mégare. On est au IIe siècle et il s'agit de la participation à la guerre des esclaves. Marathon est un dème qui se trouve à égale distance de la cité d'Athènes et de Charistos, en Eubée. C'est en cet endroit de l'Attique que les barbares, les Perses, abordèrent et qu'ils furent vaincus. Comme ils rembarquaient, ils perdirent une partie de leur navire. Dans la plaine se trouve le tombeau des Athéniens. et dessus, des stèles avec les noms des morts répartis par tribu. Il y en a un second pour les Béotiens de Platé et des esclaves, car des esclaves combattirent là pour la première fois. Il y a aussi, à part, le monument funéraire d'un citoyen, Miltiade, fils de Simon, bien que sa mort soit survenue plus tard et qu'il ait échoué à Paros, et ait pour cela été traduit en justice à Athènes. Là, chaque nuit, on entend des chevaux hennir et des hommes combattre. À Marathon, ceux qui moururent au combat sont l'objet d'un culte. On les nomme des héros. On sait maintenant, effectivement, en s'intéressant à cette question des esclaves, comme l'a pu le faire Paulin Ismar, par exemple, que, eh bien, la cité grecque était plus complexe que ce qu'on avait cru et que ces esclaves avaient des rôles qui n'étaient pas simplement des rôles d'exécutants, mais qu'ils pouvaient avoir des tâches qui étaient bien plus avancées dans la prise de décision, ainsi dans la guerre, mais aussi dans tout un tas d'autres espaces politiques, pourrait-on dire, ou espaces citoyens. Qui veut réagir? Disons que ça renvoie à ce qu'on a dit sur les belles polarités qui opposaient le citoyen mâle à toute une série d'autres catégories. Et effectivement, les travaux de ces 30 dernières années ont montré, alors non pas le caractère crucial de l'esclavage dans la bonne compréhension de la démocratie athénienne, ça se l'a fait depuis très longtemps, mais que l'idéologie du citoyen-soldat, en réalité, masquait toute une série d'autres types de participation de non-citoyens à la guerre qui pourtant était conçue comme, pendant longtemps, comme un privilège du seul citoyen. On a mis en avant le rôle des métèques sur les trières, bien sûr athéniennes, combattant coude à coude avec, en tout cas ramant coude à coude avec les citoyens athéniens, et on a aussi montré que les esclaves avaient leur part à la guerre, alors d'une façon qui, au départ, est occultée. C'est-à-dire que si on n'avait pas ce texte de Pausanias, assez tardif, on ne saurait absolument pas que à Marathon, donc en 490, l'une des batailles phares de l'histoire grecque, où les Athéniens sont censés donc avoir arrêté, en tout cas momentanément, l'offensive perse. Donc grande victoire athénienne avec 192 morts du côté athénien, donc les marathonomaques enterrés sur le site même de Marathon, ce qui est en soi-même une très grande distinction, et puis plusieurs milliers de Perses donc massacrés au cours de cette bataille. Et bien dans ce combat a priori inégal numériquement, en réalité les Athéniens avaient fait appel aux esclaves et surtout ils leur avaient quand même malgré tout donné une place à part dans le lieu où l'on célébrait les morts athéniens de Marathon. Et c'est donc une autre façon de complexifier le tableau. Et Vincent Azoulay, on sait aussi que dans ce système hoplitique, donc soi-disant égalitaire, mais qui ne l'est pas vraiment, vous montrez ça aussi, qu'il y a toute une hiérarchie en fait. Il y a une aile gauche, une aile droite, il y a, tout le monde n'est pas sur pied d'égalité. Il n'empêche qu'au sortir justement de cette grande victoire de Marathon, certains guerriers vont peut-être pouvoir demander alors privilège ou citoyenneté. Est-ce que certains esclaves ont pu obtenir ce statut de citoyen, justement, du fait de leur participation à cette guerre? Pour Marathon, non, probablement pas. Mais en revanche, on sait que un peu moins d'un siècle plus tard, à la fin de la guerre du Péloponnèse, à un moment où Athènes est dans une difficulté très grande face aux Spartiates, on a pu promettre la liberté, non pas la citoyenneté, mais la liberté aux esclaves qui s'enrôlaient sur les trières. Donc pas forcément la citoyenneté tout de suite, ça se fait toujours par étapes, mais la liberté. Donc on a quelques cas qui montrent que effectivement dans des situations de crise, les contours de la communauté peuvent commencer à bouger. Violette Sibillotte-Cuchet. Et on voit, c'est assez complexe en fait, ces fonctions dans la cité, puisque ici, pour la guerre, on voit des esclaves qui peuvent accompagner des citoyens, pas des femmes. Dans les cités, les femmes ne participent pas aux armées civiques. En même temps, on voit que le peuple non seulement peut injurier des élites ou tels citoyens, mais là aussi, il peut louer des citoyens, honorer des morts au combat. Donc il a ce double rôle de valorisation ou de stigmatisation de certains comportements. Or, je reviens juste sur les guerriers. Ces guerriers sont les citoyens, en tout cas, ont des sépultures spécifiques par tribu et par dème parfois. En tout cas, par tribu. Mmh, et ça, c'est tout à fait parallèle à ce qu'on connaît grâce à des stèles de l'Acropole, où on voit la liste des ergastines, des jeunes filles qui sont choisies pour tisser le péplos d'Athéna, la fameuse procession des Panathénées, donc tous les ans, et qui, après un décret honorifique, il y a une petite phrase de décret honorifique disant que ces jeunes filles, on va les honorer, on va les honorer, et on a la liste des noms des jeunes filles, avec, à chaque fois, qui sont classées par tribu et par dème. C'est-à-dire que on a le même classement, finalement, pour les citoyens morts au combat et pour les jeunes filles qui participent au rituel pour Athéna sur l'Acropole. Et ce qui montre que les jeunes filles sont reconnues comme des membres de la tribu et du dème, ce qu'on dit rarement. En général, on dit, dans la divergence entre les jeunes citoyens et les jeunes citoyennes, les citoyens vont être inscrits dans le dème et pas les citoyennes et pas les jeunes filles. Mais elles ne sont peut-être pas inscrites sur le registre, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, elles sont classées, on sait très bien à quel dème elles appartiennent et à quelle tribu elles appartiennent. Alors, puisque nous parlons de guerre, Hippocrate erre au lieu, donc en 460 avant notre ère, donc les femmes et la guerre, les filles des Amazones, lues par Nathalie Canoui. En Europe, il y a un peuple scythe demeurant dans les environs de Palus Méotide qui diffère des autres peuples. On les appelle sauromates. Chez eux, les femmes montent à cheval, tirent à l'arc, lancent le javelot depuis leur cheval et livrent bataille aux ennemis tant qu'elles sont vierges. Or, elles ne quittent la virginité que lorsqu'elles ont tué 3 ennemis et elles ne se marient pas avant d'avoir accompli les sacrifices conformes à la coutume. Mais celle qui a obtenu pour elle un mari cesse de monter à cheval tant que ne survient pas la nécessité d'une expédition générale. Elles n'ont pas de sein droit. Alors qu'elles sont encore de tout jeunes enfants, leur mère faisant fortement chauffer un appareil de bronze fabriqué spécialement à cet effet, l'applique sur le sein droit et le brûle de manière que sa croissance soit arrêtée et que toute la force et toute la quantité de nourriture se reportent vers l'épaule et le bras droit. Alors, Violaine Sébillot-Cuchet, que nous dit un texte comme celui-ci de cette question qui nous occupe, citoyenneté et pouvoir en Grèce antique? On se dit, là, on est dans un territoire qui est extra, Grèce antique, qui est en dehors. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce texte? Alors, on vient de dire que les femmes ne participaient pas à la guerre dans la cité, donc il faut quand même bien le rappeler. Ouais. C'est quand même fondamental. Par contre, ce qu'il nous dit, je trouve, c'est qu'on est quand même au milieu du 5e siècle, milieu du 5e siècle ou deuxième moitié du 5e siècle, d'ailleurs. Mmh. Et il le dit de la même manière à peu près qu'Hérodote, donc on est aussi dans les mêmes périodes. Il nous montre que concevoir des femmes au combat, ce n'est pas un problème. Mmh. Dans d'autres pays, on agit différemment. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a des coutumes ici-bas qui sont d'exclure les femmes des combats, mais dans d'autres régions du monde, ça se fait et ça se fait très bien. Et puis elles continuent à avoir des enfants, elles vont se marier. Et il y a quand même un test de bonne d'être une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère, c'est d'avoir été capable quand même de tuer un ennemi au combat. Mmh. Donc c'est assez étrange. Ça veut dire probablement aussi que puisque les Amazones, c'est un motif très connu pour les Grecs. Pour Hippocrate, Hérodote, son auditoire, ça veut dire que à cette époque-là, parce que c'est quelque chose, cette description des Amazones qui seraient localisées en mer Noire, mm-hmm. dans la région du Palus Méotide, mm-hmm. donc vers la région du pont, c'est quelque chose qui apparaît à peu près dans ces années, 5e siècle, et qui correspond aussi au fait qu'à ce moment-là, il y a des observateurs qui échangent, qui sont mobiles, qui découvrent d'autres régions, donc il y a un caractère très ethnographique dans ce type de récit, chez Hérodote et chez Hippocrate. Et pour s'apprivoiser ou donner du sens à ce qu'ils découvrent, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles peut-être une classe de jeunes femmes, peut-être une élite, parce que elles sont pas mariées, elles sont jeunes filles encore, participent à la guerre, ce que l'archéologie confirme d'ailleurs. Pour donner du sens, on va dire que ce sont des descendants des Amazones, mm-hmm. puisque ça, ils connaissent très très bien les Amazones. Et longtemps, Violaine Sébillot, l'historiographie a complètement ignoré ou c'est cette problématique. On disait les hommes à la guerre, les femmes au mariage et à la procréation, répartition des rôles, jusqu'à l'anthropologie, même Lévi-Strauss, qui finalement parlait de complémentarité, hein, dans une société, chacun a ses tâches. Oh, c'est vraiment c'est ça qui est l'histoire des genres qui, voilà. qui a révolutionné. C'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que l'ensemble des fonctions, en fait, peuvent être remplies par des hommes ou par des femmes. Et que ça a probablement toujours été comme ça. Mais que certaines historiographies ou sociétés qui ont dominé dans la tradition et qui avaient ont eu des modèles, et ce sont ces modèles qu'on a constitués comme des invariants. Les modèles, donc, par exemple, de la cité grecque, je dis bien de la cité, l'armée civique, mais même dans la cité grecque, on a pu avoir des occasions, des moments où les femmes ont pris les armes pour défendre la cité quand elle était attaquée, et quand les hommes étaient soit tués, soit emmenés ailleurs. Donc, on a des exemples comme ceci. Et puis, alors, encore une chose, on parle aussi du pouvoir. Je suis désolée, mais enfin, être soldat, c'est pas véritablement avoir un pouvoir. Hein. On est d'accord. Donc, c'est plutôt du côté du commandement qu'il faut rechercher le pouvoir. Or, dans les cités grecques, depuis longtemps, on a des femmes dynastes qui organisent aussi la défense de la cité. Qu'est-ce qu'une dynaste, alors, justement? Alors, une dynaste, c'est une femme qui fait partie de la famille dynastique et qui, à un moment, probablement parce qu'elle est veuve ou parce que son mari est parti à la guerre pendant longtemps, se retrouve en position de diriger la cité, qui est un peu conçue sur le modèle pour les Grecs, après dans la tragédie, parce qu'on a ça depuis l'épopée, qui est conçue un petit peu comme une maison royale qui est administrée donc par un couple, un roi, éventuellement on a Pénélope, on a Arrêté, on a Clytemnestre, et ces figures-là sont pas du tout considérées comme mauvaises parce que ce sont des femmes. Elles peuvent administrer correctement ou non. Il y a des bonnes et des mauvaises reines. Il y a des Pénélopes, il y a des Clytemnestres, il y a des Arrêtés et il y a des mauvaises reines. Donc, c'est pas une question, encore une fois, de genre. C'est-à-dire de discrimination, d'impossibilité pour les femmes d'accomplir certaines fonctions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été ignoré, c'est que la société grecque le reconnaissait. Tout à fait. Cette fonction-là, justement. Alors, longtemps, on a pu penser, c'est une mythologie, c'est une légende. Ouais, la société grecque ne reconnaît pas cette et fonction. Même, c'est même plus loin que, c'est même pire que ça, je dirais, Hérodote. Donc, on vient de parler à propos des Amazones, parce que pour lui, ça l'étonne pas. Ça l'étonne pas. Il dit, voilà, ça existe, point, c'est tout, on va le dire. Hérodote, il vit dans une cité qui a été quand même gouvernée par une dynaste quand il était petit. Donc, c'est pas très loin pour lui, la même cité. Hérodote, personne ne dirait que c'est un barbare. On est d'accord. Cette dynaste, Artémis, fille de Lycdamis, il y a une grande partie de la tradition historiographique qui a dit, puisqu'elle était dynaste, qu'elle a commandé un navire, dit Hérodote, qu'elle a participé à la bataille de Salamine et qu'elle a commandé des troupes. C'est du côté des Perses. Du côté des Perses. Parce qu'à l'époque, beaucoup de cités grecques d'Asie mineure combattaient du côté des Perses. Puisqu'elle a fait ces actions-là, elle ne pouvait être qu'une barbare. Donc on a cherché le caractère barbare de cette Artémise, alors que chez Hérodote, on a exactement les mêmes configurations dans l'onomatique familiale, avec des noms cariens et des noms grecs. Donc, vous voyez, c'est là où effectivement ce qu'on a dans la tête influence énormément l'interprétation qu'on fait, et c'est nous qui produisons du genre et des distinctions parfois et rendons impossibles certaines fonctions au titre du fait qu'elles seraient remplies par des hommes ou par des femmes. Et puis juste pour finir, vous citez à un moment Violaine Sébillotte-Cuchet, découverte archéologique aussi, des tombes où on retrouve des armes dans des sépultures féminines. Et donc effectivement, mais alors il ne faut pas non plus aller jusqu'à dire c'est pas une société d'Amazon, on voit elles ont des époux, elles vont avoir des enfants, après une fois elles sont rangées, une fois qu'elles sont mariées et mères, et c'est vrai qu'on a des tombes qui montrent que dans un contexte donné on a à peu près 20%, ce qui n'est pas énorme non plus, mais c'est comme ça, des sépultures de jeunes femmes plutôt, qui ont des armes à leur côté et probablement peut-être une morphologie osseuse qui laisse penser qu'elles ont monté à cheval. Alors, un extrait du Contre Ctésiphon d'Eschine, lu par Nathalie Canoui, pour continuer notre discussion d'archives autour de cette question de citoyenneté et pouvoir dans la Grèce antique. Dans cette cité si ancienne et si grande, Athènes, personne n'est soustrait à l'obligation de rendre ses comptes, d'entre ceux qui touchent de près ou de loin aux affaires publiques. Je vous le montrerai d'abord à propos d'exemples inattendus. La loi ordonne ainsi aux prêtres et aux prêtresses de se soumettre à une reddition de comptes, et à tous en général, et à chacun séparément en personne, alors qu'ils reçoivent seulement les victimes, et qu'ils offrent pour vous des prières aux dieux, et non seulement comme individus, mais aussi en commun selon leur famille, les Eumolpides, Céris et tous les autres. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un texte comme celui d'Eschine, Violaine Sébillotte-Cuchet ? Alors, je trouve que ce qui est absolument frappant dans ce texte, c'est que Échine, qui est quand même en conflit politique avec Démosthène, on est en plein dans les épisodes sur l'ambassade et la suite de l'ambassade, maintenant là, l'éloge que Ctésiphon veut voter pour Démosthène, fait voter pour Démosthène une couronne en or, et donc Échine s'y oppose. Échine s'y oppose en disant Démosthène n'a pas rendu ses comptes, donc on ne peut pas voter de couronne, puisque la couronne vient sanctionner et vient honorer quelqu'un qui a accompli sa magistrature de manière exemplaire, au-delà de ce qui est attendu. Moi, ce que je trouve absolument frappant, c'est le fait que dans la liste des exemples qu'il va donner, il commence par les prêtres et les prêtresses. C'est-à-dire que les prêtres et les prêtresses sont considérés, dans sa bouche, comme des magistrats qui sont soumis aux mêmes règles que les autres magistrats. La reddition des comptes. Après, il y aura les triérarques, il y aura d'autres types de magistrats pour lesquels, pour nous, il ne fait aucun doute, ce sont bien des magistrats. Les prêtres et les prêtresses, parfois, on est un petit peu embarrassés, parce qu'il y a des femmes. Donc, s'il y a des femmes, elles disposent donc d'une arché, d'un pouvoir. Et donc là, ça devient... Alors, bien sûr, c'est donc une spécificité de cette magistrature, je mets quand même des guillemets, de la prêtrise, c'est qu'elle soit ouverte à des hommes et à des femmes selon des procédures différentes. Et donc là, la reddition des comptes signifie aussi qu'une certaine somme d'argent public a été confiée à ces prêtres ou prêtresses pour accomplir les tâches qui leur incombent, organiser les cérémonies, le sacrifice, etc. Et que, il faut qu'elles rendent le compte sur l'argent qui leur a été confié et qui peut ensuite leur valoir d'ailleurs des honneurs si ça a bien fonctionné. Et puisque nous sommes dans le domaine de la religion, il faut bien dire effectivement, et vous insistez beaucoup là-dessus, Violaine Sébillon de Cuchet, que cette question de la religion fait partie effectivement de la religion civique, de la participation à la vie de la cité, et que là les femmes y ont un rôle éminent, important, et pas du tout marginal, comme on le disait au tout début, pour la vie politique classique, vue telle qu'elle était, vue par Aristote, en l'occurrence. Tout à fait. Effectivement, parmi les tadémosia, c'est-à-dire ce qui concerne le peuple, ce qui va discuter par le peuple, il y a à la fois ce qui concerne les dieux, ta théia, et ta anthropina, ce qui concerne les hommes. Tout ça, ça fait partie des attributions des assemblées et du conseil. Ils doivent s'occuper de toutes ces affaires-là. Alors, la religion, du coup, est incluse, mais il ne faudrait pas non plus dire la religion, donc les femmes. Alors, c'est un peu vrai, mais les hommes aussi dans la religion. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, la religion, c'est tout le monde, c'est au moins un espace où la capacité à décider, à commander, à gérer l'argent, les fonds publics, est distribuée auprès des hommes et des femmes. Et on en connaît des fameuses prêtresses, parce qu'il y a des statues, je pense à une en particulier, celle de Lysimachée, en bronze, sur l'Acropole. Vincent Azoulay. Sur les prêtresses, effectivement, on a des témoignages qui montrent qu'elles pouvaient être honorées, peut-être, on n'en est pas sûr, mais probablement par le peuple athénien, donc ce peuple-là, pour le coup, de citoyens mâles à l'Assemblée, votant donc un décret honorifique et une statue, ce qui est un immense honneur, surtout dans les années 360, où à l'époque à laquelle est érigée cette statue de Lysimachée, qui a été prêtresse pendant plus de 60 ans, la plus importante prêtrise de la cité, celle d'Athéna Polias. Et donc, on a effectivement là une reconnaissance par la communauté des citoyens de la position éminente d'une femme. J'aimerais revenir sur quand même l'affaire d'Échine, pour introduire non pas une note de dissensus, mais juste rappeler deux choses. Alors, d'une part, et Violaine disait que il fallait peut-être mettre des guillemets à magistrature. Et Échine dit que c'est inattendu. Hein, au moment où il parle des prêtresses, donc effectivement, on est sur un cas, peut-être un cas limite, en tout cas, qui mérite d'être discuté. L'autre chose, c'est que, mais ce qui est sûr, c'est que prêtres et prêtresses devaient rendre leur compte, et ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Et l'autre chose, c'est l'importance de la reddition de comptes dans la cité grecque, et puisqu'on est sur participation et pouvoir, ceux qui, j'ai envie de dire, hyper participent, c'est-à-dire non seulement se rendent à l'Assemblée, le contrôle des élus dont on parle. C'est c'est le contrôle, c'est le contrôle des élus. Et de fait, la cité grecque, là, pour le coup, nous donne un exemple de contrôle des mandants qui est d'une puissance, d'une férocité, alors qui va de pair avec des formes d'honneur, hein, puisqu'il est question d'honneur, mais il est question aussi de déshonneur, qui est totalement inattendue par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Hein, des mandats d'un an, et puis contrôlés à la fois en cours de charge, en sortie de charge. Oui, et d'ailleurs, effectivement, on peut être menacé de l'indignité, c'est ce que raconte Échine dans le Contre-Timarque, lu par Nathalie Canouille. Solon, le plus illustre des législateurs, a interdit toute parure à la femme qui a été surprise en adultère. Il lui défend aussi de s'associer au sacrifice public, de peur qu'en se mêlant aux femmes honnêtes, elle ne les corrompe. Si en dépit de cette défense, elle prend part à ces cérémonies, ou revêt des parures, il ordonne au premier qui la rencontrera de déchirer ses vêtements, de lui arracher ses ornements et de lui donner des coups, en évitant toutefois de la faire mourir ou de l'estropier. Le législateur frappe ainsi cette femme d'une peine de dégradation, atimia, et lui prépare une vie intolérable. Un extrait du Contre-Timarque d'Échine, donc, sur la question des peines d'indignité. Parce qu'effectivement, si on est frappé d'indignité, c'est qu'on était digne auparavant. Exactement. Exactement. Alors, c'est un rare, mais peut-être l'unique pour l'instant exemple. Je ne sais pas, Vincent, si tu fais des... Oui, c'est le seul exemple. Le seul exemple pour l'instant que l'on connaisse qui signale donc cette possibilité d'atimie, donc d'échéance hein, des droits civiques pour une femme, dans le cadre donc de cette accusation d'adultère. Et effectivement, la conclusion, c'est que cela signifie que... avant d'être privée d'atimie, elle avait la pleine possession de tous les droits afférents à la qualité de citoyen. Et c'est vrai que les Athéniens parfois utilisent plutôt comme terme pour désigner les citoyens, non pas le terme de citoyen, politis, politai au pluriel, ou politis pardon pour le féminin, politès pour le masculin, je parle du féminin d'abord, et politai ou politides, mais utilisent le terme d'épitimoi. Épitimoi pour désigner ceux qui ont vraiment, pour bien insister, ceux qui ont vraiment toutes leurs capacités citoyennes, capacités à exercer les différentes fonctions dont on a vu qu'elles étaient diverses et qu'elles étaient parfois réservées selon l'âge, le sexe, la richesse, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'une femme, finalement, les femmes, les citoyennes peuvent être considérées comme en pleine capacité civique, puisqu'on peut leur retirer une D'ailleurs, partie le terme de leur existe, estime. Hein, tout simplement, citoyenne. Le terme ah, existe, le athénienne terme est également est beaucoup employé. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça a été, c'est quelque chose qui a été remarqué par les Américains assez vite après l'article, les articles de Nicole Leroux en particulier, début des années 80, qui ont remarqué, mais puisqu'elle disait que le terme de citoyenne et d'athénienne n'existait pas, Nicole Leroux. Assez vite, en fait, Cynthia Patterson a montré que non, il y avait bien des termes de politis au singulier, politides au pluriel, employés à la fois par les orateurs, par les philosophes. Platon, Aristote l'utilise également, donc, et utilisé aussi dans des inscriptions d'époque beaucoup plus tardive, hein, à l'époque impériale, quand des femmes reçoivent la citoyenneté. Et qu'est-ce que ça nous dit, justement, Violaine Sémillot-Cuché et Vincent Azoulay, de ce nouveau regard que l'on peut porter sur ce qu'on appelle, entre guillemets, la démocratie en Grèce antique ou la démocratie athénienne, par exemple? Notamment la question de l'atimie, donc de la dégradation de la citoyenneté, alors qui vaut pour les citoyens et donc les citoyennes d'après cet unique témoignage, alors qu'on a beaucoup d'autres témoignages sur la dégradation civique, ça nous dit que la citoyenneté est en réalité un phénomène complexe et en quelque sorte un feuilletage de droits, de capacités, de privilèges, hein, timès c'est l'honneur, le privilège, que l'on peut retrancher par morceaux. Donc c'est pas un tout qui pourrait se définir de façon simple par la participation aux assemblées, aux tribunaux, mais c'est beaucoup de choses, des droits de détenir la terre, de transmettre l'héritage, d'accéder à un certain nombre de lieux, à des cérémonies, et que d'une certaine façon, en abordant la citoyenneté par son envers, on arrive à une vision plus complexe et puis également plus genrée, en tout cas plus complexe, et plus riche, du genre et plus riche de cette citoyenneté qui avait été pendant longtemps réduite à peau de chagrin institutionnel. Et qui change qui plus est selon les régimes, en plus, oligarchie, démocratie. Et donc c'est vraiment un concept, entre guillemets, extrêmement mouvant. Oui. Et en plus, ce qui est aussi intéressant quand on réfléchit sur la thymie, comme l'a fait d'ailleurs Vincent et Paulin dans un article récent, c'est de voir que la déchéance, c'est pas en premier l'interdiction de participer à l'Assemblée ou de prendre la parole à l'Assemblée, mais c'est en premier l'interdiction de fréquenter les sanctuaires. De participer à certains commerces. Donc, en fait, il y a des lieux qui sont les premiers lieux, qui sont comme fondamentaux quand même. Hein, comme... Et puis, prendre la parole à l'Assemblée intervient plutôt à la fin dans la liste de d'Andocide, qui est le seul texte en fait, qui liste les éléments, les interdictions. Et il y a des déchéances et parfois il y a des intégrations. Vous citez un exemple où certains esclaves ont probablement été intégrés suite à, je ne sais plus, à une loi en particulier qui avait été décrétée par un... Oui, tout à fait. C'est toujours dans les moments de crise que l'on recompose les contours de la communauté. Et effectivement, après une grande crise oligarchique, celle des 30 qui fait suite à la guerre du Péloponnèse, effectivement, les citoyens d'Athènes vont intégrer une partie des combattants non-citoyens qui avaient lutté du côté des démocrates pour rétablir la démocratie. Mais cela ne se fait pas sans peine de retoucher les contours de la communauté. Et on rappelle toujours le cas de Lysias, qui était métèque, qui avait financé en partie la résistance des démocrates et dont le décret de naturalisation fut bloqué à l'Assemblée. Après avoir été voté, il fut attaqué, ce décret, et Lysias dut rester métèque. Mais un métèque honoré, avec un statut spécifique, celui de d'Isotèle. Et là, on retrouve les gilets jaunes, puisqu'il s'agit d'avoir les mêmes capacités en termes d'impôts que les citoyens, d'imposition, de ne pas être affecté, notamment par des taxes qui touchaient spécifiquement les métèques. Merci à tous les deux d'avoir rendu si simple cette complexité que vous mettez au cœur de votre propre travail, cette complexité de la notion de citoyenneté, et de l'avoir présentée aussi simplement à nos auditeurs. Violaine Sébillotte-Cuchet, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire parisien Panthéon-Sorbonne, que vous êtes auteur d'une exposition en ligne sur le site Muséa qu'il faut aller voir, qui s'intitule « Sortir du gynécée », mais aussi du livre « Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine » chez Armand Collin. Vous pouvez aussi aller sur les sites, les très bons sites d'articles savants que sont Cairn ou encore Open Edition pour pouvoir voir la plupart de vos articles. Quant à vous, Vincent Azoulay, vous êtes directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, directeur de la rédaction des Annales et auteur, entre autres, d'une documentation photographique sur Athènes, citoyenneté et démocratie au 5e siècle. Merci à Nathalie Canoui d'avoir lu ces textes. Et demain, nous nous retrouvons pour parler justement des exclus au 19e siècle. Du suffrage universel, on reviendra sur cette problématique. Une émission préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Dalia était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Puis notons que les collections de l'Histoire viennent tout juste de sortir un numéro sur Homère, le nouveau visage du poète. C'est en kiosque.